barrage des airs, ok. Je suis déjà démarqué sur mon masque fétiche. Apache comme un apache sur le soleil grillé avec un œil de corbeau en haut. Tu fais ta belle sale pute, tu es l'ange, t'aurais pu la sauver. Lune, nuit, le visage confondu entre le monde des morts et des vivants. Elle comptait trop pour moi, tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute, tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute, tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute, tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute, tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Quand mon regard scintille, le diable s'approche sans flamme. Avec ton importance avec toi encore, en se disant que des croisières désert ne retrouvera jamais sa meilleure note. Un rire triste pour un chien, en orme total je fascine quand je dessine. Mais pour un pur canine, c'est la câline des caresses du diable. Alors non, alors non. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute, tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute, tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Ok, Le matin même, je me suis levé avec un regard fauché, pleurant de douleur, et je reprends le même discours. Quand je titube, je pars. Et j'ai pas l'habitude, alors j'improvise. Alors j'improvise. Alors j'improvise. Alors j'improvise. Alors j'improvise. Ok ma chérie. Ok. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute. Tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Tu es l'ange, j'aurais pu la sauver, sale pute. Tu l'as laissé s'échapper sans filer entre mes doigts. Sans filer entre mes doigts. 3 heures, je désert. Ah, j'étais mort encore.